déteste. Non, tu ne peux pas. C'est de l'improvisation, mon gars. J'ai trop de mots dans la tête. Tu croyais vraiment que tu pouvais tester, hein? Faut pas déconner, moi je rappe pour le kiff, pour le fun, pour le goût. pour les crameux qui plantent une couche sont toujours debout. Pour le goût, pour le fun, pour le kiff, ya. Et tant mieux si c'est festif, je rappe pour le kiff, pour le goût, pour le fun. Je t'éblouis, chauffe tes oreilles comme le sun. Tu m'as compris, je rappe parce qu'il me le faut surtout. Si toi aussi, bouge tes cheveux, vas-y, donne tout.